Pourquoi avoir choisi « Piratage, c'est dommage » comme titre ? Du coup, c'est la suite en fait de PMB. Voilà, « Piratage, c'est dommage », c'est les conséquences. Tu parles d'argent, travaillais-tu ? Travailler, oui, plus ou moins, c'est quand même, parce que je me bougeais le fion pour gagner ma vie, entre guillemets, c'est un grand mot. Mais je vendais des CD, je faisais des revêtes de matériel que j'achetais à bas prix, je gonflais le prix et tout. Et voilà, il fallait bien se nourrir. Ça t'a apporté quoi ? Avec l'argent que je me faisais, je me payais le week-end des bonbons, tu vois, tranquille devant la trilogie du samedi soir, le kiff, là, regardez les épisodes, genre du caméléon, il se faillit tout ce que tu veux. C'était terrible, c'était mon kiff le samedi soir. Et aussi, je me payais des CD vierges et des magazines spécialisés dans l'informatique. Voilà. Tu dis qu'on s'est procuré de tes idées. Peux-tu développer ? Oui, ce que je reproche en fait, c'est pas d'avoir partagé mes idées ou du savoir que j'avais trouvé ou gagné. C'est ce que, avec la Canal Plus par exemple et Mort TV, qu'on pouvait l'avoir gratos, et des VCD où c'était le début avant les DivX pour mettre en vidéo sur CD des films. Je reproche qu'on n'a pas partagé, qu'on n'a pas fait jouer sur ce côté-là. Je te cite, je veille la nuit, je me réveille la nuit. Pourquoi avoir choisi cette punchline ? Oui, c'est un peu paradoxal comme situation. En fait, c'est je travaille la nuit et je me réveille la nuit des idées pleines des étoiles. Voilà, ça veut tout dire. Tu as voulu dire quoi sur Vampirus ? Tu connais ? Ben, Vampirus, en fait, c'est un vampire qui boit du sang pour se nourrir. Et c'est la même, sauf que pour nous, ça serait boire du savoir pour se régénérer et être plus jeune. Tu peux nous dire, c'est quoi cette bataille entre ton voisin ? Du coup, c'est simple, en fait, je foutis la musique un peu fort, on va dire. Et pour me répondre et me casser les pieds, la voisine m'a envoyé des patates à travers la fenêtre et moi, je lui ai envoyé des fumigènes et tout, ça faisait des batailles. Sur le titre « Un mauvais fond », tu peux nous dire le message que t'as voulu faire passer ? La chanson, elle parle d'elle-même. Bien, on continue. D'après ce qui suit, tu as un problème avec l'anglais. Écoutons.